Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer cette séance du séminaire vidéo des premiers temps, si vous voulez bien. Donc une séance qui va être consacrée aujourd'hui à vidéo et mouvement écologique naissant. Avant de commencer, je vous rappelle que la feuille de présence va circuler. Merci de bien indiquer votre nom, votre adresse mail. Ça nous permet effectivement d'échanger, de vous envoyer les annonces des prochaines séances du séminaire, en l'occurrence la prochaine, qui aura lieu le 10 juin, je crois. Donc il sera la dernière séance du séminaire, mais nous en reparlerons tout à l'heure en mots de conclusion. Alors, quelques mots de présentation de cette séance consacrée à vidéo et mouvement écologique naissant. C'est la dernière séance que nous organisons aujourd'hui qui est consacrée à des mobilisations politiques dans lesquelles les collectifs vidéo sont fortement impliqués après le conflit LIP que nous avons abordé il y a 2 mois et les luttes féministes abordées le mois dernier. L'écologie nous est apparue comme une des idées politiques les plus novatrices des années 70. La critique des dégâts et des dangers suscités par les méga-infrastructures industrielles, routières, énergétiques, militaires, est passée entre autres par le travail des collectifs vidéo. La vidéo fut par exemple autant un outil de restitution immédiate de certaines catastrophes, on pense à Seveso en 1976, que de mobilisation et de prise de conscience collective. On peut penser au Larzac, à Bugey, Flamanville, Malville, Dampierre, que l'on va évoquer au cours de cette séance à travers une série de témoignages et d'extraits. C'est aussi finalement une implication du point de vue d'une réflexion prospective qui articule à la fois l'autogestion et la recherche d'alternatives énergétiques. Comme nous l'avons fait pour le conflit LIP, nous avons également souhaité évoquer la question vidéo, mais également la question argentique, donc en invitant notamment un cinéaste. Ceci pour bien montrer aussi qu'un certain nombre de cinéastes ou de groupes de cinéastes filmant en 16 mm ou en Super 8 ont aussi témoigné de ces prises de conscience, de ces luttes emblématiques des années 70. On peut penser à certains cinéastes comme Philippe Audiquet au Larzac, à Nicole et Félix Le Garec à Plogoff. Ils ont aussi rendu compte de certaines catastrophes. On peut penser également aux conséquences de la marée noire de la Mococadis en mars 78, filmée là encore par Nicole et Félix Le Garec et par René Vautier dans son film Marée noire et colère rouge, par exemple. Donc, comme pour le conflit LIP, nous essaierons de mettre en perspective les pratiques militantes de la vidéo et du 16 mm à travers les témoignages et les analyses croisées de vidéastes et d'un cinéaste. Alors, j'en viens à la présentation de nos invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, Yvonne Mignot-Lefebvre et Michel Lefebvre, tous deux vidéastes et représentants du groupe Vidéo Zéro, avec qui on a déjà échangé. Avec qui nous avons déjà échangé dans quelques séances précédentes. Anne-Marie Martin, que nous avons également reçue, qui est réalisatrice et également fondatrice, cofondatrice de l'association de diffusion populaire, l'ADP. Et Serge Poljinski, qui est cinéaste et qui fut cofondateur du groupe, du collectif Le Grain de Sable. Catherine Souchier, qui était annoncée sous réserve dans le programme de la séance, n'a pas pu malheureusement être présente aujourd'hui. Alors, nous allons tout d'abord faire une introduction. Alain va faire une introduction d'ensemble sur la question écologique dans les années 70. Et ensuite, nous aborderons donc collectif par collectif ces questionnements, notamment à partir d'une série d'extraits.